professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le chef est-il moderne ? Comment devient-il à tous les niveaux l'objet des discours et des organisations, et non pas seulement le grand chef, celui à qui on pense le plus spontanément à l'avènement du contrôle des masses, demande Yves Cohen, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Comment le vocabulaire du chef, du leadership, du Führer mute au tournant du XXe siècle en France, en Allemagne, en Russie et aux États-Unis ? Quels ont été les effets de la guerre sur la figure du chef ? Mais aussi, quels ont été les effets de la Grande Guerre sur les rapports entre les sexes dans tous les domaines? Cette Grande Guerre est-elle une rupture ou un infléchissement de mutations antérieures? Demande quant à elle l'historienne Michèle Perrault. Nous vous avons proposé toute cette semaine de larges extraits du colloque donné à l'automne 2014 sous le titre « Autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, sciences, arts et lettres ». Nous voici donc au terme de cette vaste exploration des grandes transformations qui ont précédé ou qui ont pu être stoppées ou accélérées par le premier conflit mondial. Dans cette perspective, le Collège de France a invité ses professeurs et différents chercheurs dans une approche interdisciplinaire sur la question des répercussions sur le long terme de la Première Guerre mondiale. En première partie, l'historien Yves Cohen, qui notait dans son ouvrage majeur « Le siècle des chefs, une histoire transnationale du commandement et de l'autorité, 1890-1940 », et je le cite, « Les foules se déclarant sans leader, qui émergent aujourd'hui en de nombreux points du monde, sont en rupture complète avec l'idée qui a dominé le XXe siècle, selon laquelle les hommes en foule ne sauraient se passer de maître, selon la formule de Gustave Le Bon en 1895. Pourquoi le besoin de chef a-t-il pris une telle ampleur à partir de la fin du XIXe siècle? Comment Max Weber pense-t-il sociologiquement la politique et relance-t-il la notion de charisme en la liant à l'autorité? En deuxième partie, l'historienne Michèle Perrault, professeure honoraire d'histoire contemporaine à l'université Paris 7 Denis Diderot, reprenant le mot de Blaise Cendrars, témoin de cette expérience dramatique, analyse comment la guerre a bouleversé l'amour. Comment les hommes et les femmes ont-ils vécu la Grande Guerre, demande-t-elle encore, non seulement dans le rapport affectif, amoureux, sexuel, mais plus largement dans tout ce qui tisse la relation, la vie familiale, l'intimité, le public et le privé, le travail, l'écriture, l'image, le corps et l'âme. Et nous gagnons le Collège de France le 17 octobre 2014 pour le colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, tout de suite Yves Cohen, le chef, étude transnationale d'un objet partagé. Ce que je voudrais dire pour commencer, c'est qu'il n'y a pas un chef moderne et un chef qui ne le serait pas. Le chef est moderne. Bien sûr, il y a eu des capitaines, des rois, des généraux depuis tout temps. Le terme de chef n'est pas neuf dans la langue française, mais il a désigné la tête du Parlement, la tête de l'Église, etc. etc. Et en fait, ce mot ne désigne pas les niveaux intermédiaires, des porteurs de l'autorité intermédiaire, avant au moins le troisième tiers du XIXe siècle. Et il connaît alors une généralisation qui est une modification dans le vocabulaire en même temps qu'une concentration d'efforts pratiques et pour penser le commandement et l'autorité. Bien sûr, d'autres pays dont je vais parler ont connu des phénomènes sinon semblables, du moins proches. En tout cas, le propos d'aujourd'hui, c'est, on a parlé d'émergence, c'est effectivement un processus d'émergence à la fois de pratiques très opérationnelles et de pratiques discursives à la charnière du XIXe et du XXe siècle. Ceci pour dire que le court XXe siècle d'Eric Hobsbawm, qui parle de ce XXe siècle qui commence en 14, a des fondements très réels. Mais on voit, à propos de beaucoup de champs de l'expérience sociale, déjà se former des choses bien avant, et en particulier à cette charnière dont on s'aperçoit de plus en plus dans l'historiographie française, parce que c'est pas neuf, par exemple, dans l'historiographie allemande ou d'autres, de l'importance de cette charnière 19e-20e. Donc, le phénomène dont je vais parler, qui est multiple, qui est multinational, transnational même, c'est un phénomène qui démarre avant la guerre de 14, mais qui est relancé, qui est fortement infléchi par la guerre de 14. Alors, je parlais du mot de chef qui devient un mot très général à la fin du 19e et qui désigne tous les porteurs d'autorité, mais aux États-Unis, leadership. Leadership, c'est pas un mot antérieur au 20e siècle. Il existe à peine, et en sont témoins les dictionnaires, au 19e, et ça n'est qu'au 20e siècle qu'il prend le sens qu'on lui connaît maintenant et d'ailleurs qu'on lui emprunte en français. Et par exemple, une des premières propositions sur le leadership, c'est à propos du leadership politique, et elle vient d'un professeur de droit de Princeton qui fait une série de conférences dans les années 1890 et qui n'est autre d'ailleurs que Woodrow Wilson, qui sera élu président des États-Unis en 1913. Et alors, ça commence à ce moment-là. 1908, le premier livre sur le leadership d'un archevêque épiscopal qui vient parler à Harvard, de l'université Harvard, mère des leaders. C'est effectivement un lieu où on forme beaucoup de leaders et on se spécialise dans la formation des leaders. Bon, beaucoup d'écrits sur le leadership en économie et aussi en 1904, toujours à ce même moment, le premier article au monde de psychologie du leadership par un nommé Lew Sterman dans une revue de pédagogie. L'Allemagne, c'est pareil. On est complètement familier aujourd'hui de ce mot de Führer. Et en fait, il faut que nous nous rendions compte que cette curiosité pour le Führer, ça vient de sa version nazie et de l'importance qu'il a eue dans l'histoire du monde avec la Seconde Guerre mondiale. Le mot de Führer, certes, est un ancien mot de la langue allemande, mais lui aussi, il a une histoire qui s'infléchit à la fin du 19e et au début du 20e. Jusque-là, le mot Führer ne désignait que de petites fonctions de guide de montagne ou de conducteur de machine. Et le modèle était le modèle monarchique, le modèle du Kaiser, c'est celui qu'on offre à l'entreprise. Einer muss herrschen, un seul doit régner dans l'entreprise, selon le modèle monarchique. C'est ça que les livres allemands de management disent à la fin du 19e. Mais au début du 20e, ça se renverse, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, on commence à dire que le Kaiser doit être le Führer du développement allemand. Donc, il y a une inflexion qui est dans le vocabulaire, mais on le verra qui est aussi dans les pratiques. En Russie, on a le même phénomène. Là encore, une réflexion sur cette question vient du côté de l'État tsariste. Un des grands hommes d'État, Pavien Onostsev, écrit ses mémoires et dit, nous sommes en 1896, il dit le besoin cruel que l'État russe a de chefs et quelles doivent être leur éducation, leur qualité. Et je le cite, comme porteur de la vérité, le pouvoir a plus que tout besoin de gens à la pensée ferme, à l'entendement solide et au verbe droit. Seul de tels hommes peut constituer un appui ferme pour le pouvoir et des chefs de confiance. De l'autre côté du spectre politique russe, on a une autre intervention en 1902, un livre publié d'ailleurs en Allemagne en exil par un nommé Vladimir Lénine, Que faire ? Et ce livre dit la même chose sur le besoin de chef. Il dit, en gros, nous avons besoin, pas seulement de professionnels de la Révolution, pas seulement d'une avant-garde, mais nous avons besoin, et là je le cite, d'une organisation de chef. Donc nous avons un problème commun. Un problème commun d'élites extrêmement diverses dans ces divers pays. Et le problème commun, c'est en gros une inquiétude pour l'autorité, on a évoqué l'autorité, et c'est en fait le contrôle des foules. Nous sommes à une époque où non seulement il se profile une guerre de masse, et il y a déjà eu la guerre civile américaine qui était déjà une guerre de masse, mais il y a une production de masse, les grandes usines. Les usines rassemblent des quantités de plus importantes d'ouvriers. Il y a aussi une politique de masse, à la fois par les partis de masse dont parle Max Weber, mais aussi par les masses ou les foules dans la rue. Et en France, on a eu très peur du boulangisme, en particulier, qui faisait écho à la peur de la Révolution française, relancée par la peur de la Commune. Donc, on voit naître à ce moment-là un immense effort, une concentration d'efforts pour faire obéir, en fait. Pour faire obéir tous ces gens qu'on appelle des foules ou des masses, etc. Et qui va provoquer, effectivement, au XXe siècle, dans les entreprises, dans l'école, dans beaucoup d'institutions de la société, une grande intensification hiérarchique. C'est-à-dire un plus grand nombre de chefs, ou de leaders, ou de führers, comme vous voulez les appeler. Alors, je voudrais indiquer une chose qui m'est apparue extrêmement importante. C'est que j'ai décliné les pays un par un et ce qui se passait dans leur propre langue, dans leur langue nationale. Mais en fait, ce phénomène, il est très circulatoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Et une des premières choses qui circulent, c'est le gouvernement colonial, finalement. Ça circule entre la métropole et les colonies. Beaucoup des auteurs de ce discours sur le commandement, de ce nouveau discours sur le commandement, ont une expérience coloniale, où on voyageait dans les colonies, où on voyageait à l'étranger. Et, par exemple, deux des principaux auteurs français qui donnent le ton de cette discussion sont Hubert Lyautey et Gustave Le Bon. Hubert Lyautey, alors capitaine, publie en 1891 « Le rôle social de l'officier ». Qui sera suivi de plusieurs autres rôles sociaux de l'officier, et puis suivi de plusieurs rôles sociaux de l'ingénieur. Lyautey était capitaine en 91, pas encore maréchal, bien sûr, et il avait déjà 2 ans d'Algérie, où il s'était marqué par son esprit, sa volonté de réformer l'armée socialement. C'est une expérience coloniale importante. Gustave Le Bon publie « La psychologie des foules » en 1895, nous sommes toujours dans cette même période, et Le Bon venait de publier un livre sur la psychologie des peuples, je n'ai plus en tête exactement le titre, et il avait fait de grands voyages en Inde et en Arabie, ce qu'il appelait l'Arabie, c'était le pays arabe, dont des pays colonisés par la France. Mais des recherches historiennes récentes montrent qu'en Allemagne aussi, dans cette discussion très précoce sur la question du Führer, de la Führung, etc., il y a un rôle très important d'officiers coloniaux, qui étaient des officiers coloniaux d'Afrique. Et autre aspect de cette dimension transnationale de cette question, c'est une circulation plus ordinaire, disons, qu'on rencontre dans les sciences, ou dans les techniques, ou dans la pensée, etc. Bon. Max Weber. Max Weber a un élève, Roberto Michels, qui est un Allemand d'origine italienne, et qui écrit en 1911 un livre qui s'appellera en français « Les partis politiques », mais qui est un livre sur les tendances oligarchiques de la vie des groupes, et qui parle très intensément du leadership et du leader, etc. Et ce livre, « Traverse l'Atlantique », publié d'abord en allemand, puis en italien, puis en français, il traverse l'Atlantique en 1915, et là on commence à approcher de la guerre de 14. Il est donc traduit en 1915, et il a tout de suite un effet immédiat, et c'est un autre type de circulation, pas simplement la circulation internationale, mais la circulation entre les divers domaines d'activité. Donc de l'étude sociologique et politique, il va passer dans le management. Et l'année suivante, en 1916, est publié un livre d'un disciple, d'un ingénieur très proche de Frédéric Taylor, l'homme du taylorisme, qui s'appelle Industrial Leadership. Premier livre sur cette question d'industrial leadership, qui emprunte une idée qui est toujours vive dans le management, dans les disciplines du management aujourd'hui, qui est l'opposition entre leader démocratique et leader autocratique. Le leader démocratique se tenant compte de l'opinion de la majorité, le leader autocratique ne jouant que son jeu, pour résumer. Ce qui va être conforté d'ailleurs dès 1917, oui, 15, 16, 17, par l'entrée en guerre des États-Unis, au moment où l'allié qui était autocratique, la Russie, s'effondre. C'est-à-dire que d'un seul coup, le paysage de la guerre mondiale devient une lutte des démocraties contre les autocraties. D'où renforcement de cette idée d'opposer le leadership démocratique au leadership autocratique. Et là encore, donc, on a une circulation qui est très productive, si vous voulez, et qui a de l'effet dans les différents pays. Alors, effectivement, la guerre apporte un infléchissement. Pour commencer par l'Allemagne, on voit bien que donc, le débat a déjà démarré, bien avant le nazisme, et il y a une discussion publique en Allemagne qui est relancée très fortement par la guerre. Et d'ailleurs, le sociologue Max Weber descend dans l'arène en 1917, au moment où Wilhelm II apparaît comme un très mauvais chef de guerre. Et il y a tout un débat qui commence, un débat sur qu'est-ce que serait une constitution républicaine. Et donc, on a un discours de Weber qui est à la fois sociologique et politique, qui est une manière de penser sociologiquement la politique et réciproquement, si vous voulez. Et ces deux... de cet engagement de Weber dans la vie politique que naît, par exemple, cette notion de charisme. Enfin, c'est pas une notion neuve non plus. C'est une notion que Weber relance en joignant le charisme traditionnel dans l'Église, le charme, la grâce, à la question de l'autorité, hein, et du Führertum, c'est-à-dire du fait d'être chef ou du pouvoir du chef. Et ça a une importance très grande sur la conception politique allemande. Weber est presque nommé, après l'abdication du Kaiser et la défaite allemande, il est presque nommé ministre de la Constitution. Il ne l'est pas, mais ses propositions sont de l'ordre constitutionnel. Par exemple, il pense qu'il faut pas simplement un Parlement, il est très méfiant par rapport au Parlement, presque autant qu'il l'est par rapport à la bureaucratie, parce qu'il pense que en Allemagne, sans expérience démocratique, le Parlement sera incapable, dit-il, de sélectionner les chefs. Et le mot qu'il utilise, c'est bien « Führer », hein, dans ses textes. C'est bien « Führer ». On voit bien d'ailleurs qu'il expérimente ce mot-là, parce qu'il est souvent souligné ou mis entre guillemets. Et c'est un mot neuf sous sa plume. Et donc, il y a une place pour le chef charismatique qui est celle du président. Il dit « Il nous faut quand même un président élu par le peuple » qui est de très grands pouvoirs de dissolution de l'Assemblée, etc. Ça ressemble beaucoup à la Constitution américaine, tout en n'étant pas exactement allemand. La démocratie n'a pas le choix, dit-il. Je cite, « Ou bien une démocratie admet à sa tête un vrai chef, et par suite accepte l'existence d'une machine, ou bien elle renie les chefs, et elle tombe alors sous la domination des politiciens de métier, sans vocation, qui ne possèdent pas les qualités charismatiques profondes qui font les chefs. » Et ça, c'est une intervention donc dans un débat allemand à la fin de la guerre, pendant la guerre, après la guerre, et à un moment où c'est pas tellement le besoin de chef au pluriel qui est dit en Allemagne, c'est le besoin d'un chef. Si vous voulez. Nous, il nous a manqué un chef. Et vous voyez bien là se ménager la place d'un petit parti qui va bientôt se former et qui va bientôt élever une voix très désagréable dans le concert. Robert Musil, même, par exemple, parle de ce besoin d'un chef. Alors, passons dans ce qui est maintenant l'Union soviétique, où la théorie du chef a joué son rôle, comme je l'ai indiqué, et, en fait, qui marque beaucoup la pensée de la société, qui marque cette pensée marxiste de la société d'une façon un peu surprenante. Si on lit Lénine dans sa bataille contre les communistes de gauche en 1920, on lit ce passage. « Tout le monde sait que les masses se divisent en classes. que les classes sont dirigées par des partis politiques, que les partis politiques sont en règle générale dirigés par des groupes plus ou moins stables de personnes réunissant le maximum d'autorité, d'influence, d'expérience, et qu'on appelle les chefs. Tout cela est simple et clair. Pourquoi a-t-on besoin d'y substituer je ne sais quel charabia, je ne sais quel nouveau volapuc ? Je ne parle pas d'espéranto. En revanche, le mot qu'il utilise, c'est le mot de voyge, qui est un autre mot que celui que j'ai indiqué tout à l'heure, et qui est un mot qui ressemble tout à fait à celui de Duce, de Führer, d'ailleurs de leader, c'est celui qui conduit. C'est un vieux mot aussi de la langue, du langage russe qui est relancé. Alors en France, on a aussi ce même genre de phénomène. Déjà avant la guerre, un grand ingénieur, un grand penseur de l'économie sociale qui enseignait à l'école des mines, Émile Cheysson, disait, dans son rôle social de l'ingénieur d'ailleurs, qu'il a écrit, qu'autrefois, on pouvait se ruiner d'être un mauvais commerçant ou un mauvais industriel, et aujourd'hui, on le peut aussi d'être un mauvais conducteur d'hommes. C'est-à-dire ce mot de conduite des hommes était le mot l'expression qui s'imposait avant la guerre. Mais il y a eu toute une discussion à partir de la lecture de Le Bon et de sa conception du meneur, en fait, toute une discussion qui s'est concentrée sur le chef. Et le mot de chef s'est imposé de plus en plus dans la vie quotidienne et en particulier dans le monde industriel. D'ailleurs, il faut dire aussi quand même que dès la fin du 19e, les grèves, par exemple les grèves ouvrières, avaient beaucoup contribué à faire de ce mot une généralité. Le cri qu'on entendait en mains endroits, à bas les chefs, était une production sémantique. C'est-à-dire que ce cri-là regroupait toutes les fonctions de direction, d'encadrement, alors que ça n'était pas fait de cette manière de l'autre côté. Donc on parlait de création sémantique parmi les troupes de la guerre, mais là on trouve aussi comment l'innovation dans le vocabulaire peut venir de mouvements parmi les ouvriers ou dans le peuple, etc. Alors évidemment, la guerre va être un moment de grande critique des chefs et de grande domination des chefs, dont en particulier la production pour la défense nationale. Il y a eu deux périodes pendant la guerre où, les deux premières années, l'adhésion à la guerre était largement partagée et permettait l'usage de mesures de contrainte extrêmement rigoureuses et le plus grand déploiement d'une autorité sans faiblesse pour les failles de la discipline. D'une certaine manière, plus fort était le consentement, plus forte était la contrainte. C'est ce que dit un historien qui a écrit un livre très stimulant qui s'appelle « À vos ordres ?», qui est Emmanuel Saint-Fucien. En fait, les mutineries du printemps 17 contre les offensives inutilement sanglantes du général Nivelle ont remis en cause ce que Saint-Fucien nomme heureusement le pacte tacite d'autorité entre trois catégories qui sont les officiers supérieurs et d'état-major, les officiers subalternes et les hommes du rang. Et en fait, le haut commandement se méfie beaucoup des officiers de contact parce que ce pacte fonctionnait sur le mode de l'obéissance absolue au combat en échange d'un relâchement toléré à distance du combat, c'est-à-dire à l'arrière ou au cantonnement, etc. Et en fait, ça se transforme en 1917 et l'autorité se reconstitue en inversant ce rapport. La confiance réciproque plus grande au front et en particulier au feu et la rigueur accrue dans la discipline imposée aux soldats qui se trouvent temporairement à l'arrière. En fait, il y a au bout de 2-3 ans de guerre une spécialisation des soldats, une véritable professionnalisation des soldats, et qui crée un autre type de relation, donc en particulier au feu. Ça a été un étonnement de cette recherche de constater que la figure du chef n'était pas ce dont on parlait comme une évidence, comme on parle de la figure de l'artiste ou du médecin, mais qu'elle relevait d'une construction délibérée. Et plusieurs auteurs du management parlent d'esquisser la physionomie des chefs, d'élaborer la figure moderne du chef d'entreprise. Et là, je me base sur un ethnographe un peu particulier, qui est un psychophysiologiste français, Jean-Maurice Lailly, qui est un des fondateurs de l'ergonomie de langue française, qui est quelqu'un de tout à fait passionnant, autodidacte, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et qui écrit la première psychologie du chef en français, en 1916, dans la Grande Revue. De façon très frappante, il parle de créer le type humain de point chef. Il écrit dans son article « Nous voulons atteindre un but plus général, créer une abstraction chef où seront réunis les caractères communs aux divers grades et réassembler les qualités dissociées qu'on attribue au chef pour apercevoir dans son unité le type humain chef. » Ce qui s'oppose tout à fait à ce que fait la psychologie américaine en étudiant les traits of psychology avec des tests expérimentaux, toujours dans la lignée de cette psychologie expérimentale dont j'ai parlé. En fait, nous sommes passés des figures individuelles de chefs qui pullulent dans la littérature ancienne, mais même dans la littérature du XXe siècle, Alexandre, César, Napoléon, Joffre, Foch, alors pour parler du XXe siècle, mais aussi en Allemagne, Bismarck, Hindenburg, qui étaient tout à fait des modèles, ou les pères fondateurs des États-Unis, Theodore Roosevelt, avant Franklin. Ces figures de chefs vivent encore, mais ce qui s'élabore spécifiquement au XXe siècle est la figure du chef, une figure justement un petit peu abstraite, générale. Donc, le guide, le chef, c'est-à-dire, disons, au XXe siècle, le Duce, le Führer en russe, le Voigt, nom par lequel on a appelé Lénine et plus encore Staline, est-ce que ce guide, ce chef, serait le motif primordial de ce qu'est une figure ? Mais ce n'est qu'au XXe siècle que ce motif devient un principe fondamental d'interprétation du social dans une conjuration conjointe, opératoire et discursive, des domaines d'activité les plus divers et des sciences sociales et humaines les plus novatrices. Merci beaucoup. Le Collège de France et France Culture vous ont présenté la contribution d'Yves Cohen, le chef étude transnationale d'un objet partagé, et tout de suite nous vous proposons d'écouter celle de Michel Perrault, La guerre a bouleversé l'amour, dans le cadre de la diffusion du colloque autour de 1914-1918, Nouvelle figure de la pensée. En Champagne, l'ennemi a développé l'attaque amorcée par lui hier à la faveur d'un violent bombardement, notamment par obus à gaz sur le On a réussi sur les bords même de la Somme, en Artois. Mon amour, nous sommes montés à l'attaque avant-hier et j'ai été blessé par deux éclats d'obus. L'un n'a pas réussi à percer le casque, l'autre m'est entré dans la cuisse. En vérité, mon casque m'a sauvé la vie. Mon ami Berthier a été tué à côté de moi. Il était lieutenant depuis 4 jours. Je pense sans cesse à notre unique nuit d'amour et je ne me pardonne pas d'avoir pu dormir. D'avoir pu dormir à côté de toi. Et je me pardonne encore moins de t'avoir laissé dormir. Viens, mon amour, viens m'embrasser. Je te prends doucement dans mes bras et je te caresse tandis que tu me regardes en souriant et enfin je prends ta bouche violemment. La guerre a bouleversé l'amour. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Blaise Cendrars, qui lui-même a vécu cette expérience dramatique. Mais encore, qu'est-ce que cela veut dire ? Comment les hommes et les femmes ont-ils vécu la guerre ? Non seulement dans leur rapport affectif, amoureux, sexuel, mais plus largement dans tout ce qui fait leur relation, la vie familiale, l'intimité, le public, le privé, le travail, l'écriture, l'image, le corps et l'âme. Dans l'immédiat d'un conflit qui s'est révélé interminable, à plus long terme, dans la paix retrouvée, retrouvée comme une terre dévastée, une maison détruite ou méconnaissable. Les recherches depuis quelques années se sont beaucoup développées sur la Grande Guerre, et depuis une quinzaine d'années, autour du corps, le corps guerrier, le corps mutilé, le corps au travail, le corps souffrant, le corps dans tous ses états. C'est donc ainsi que l'intimité, en somme, on n'avait pas du tout autrefois fait l'histoire de l'intimité dans la Grande Guerre, mais là, l'historiographie récente l'a tout à fait prise en compte. Bien entendu, l'histoire a réintégré la littérature. Ça paraît ridicule de dire ça, mais les historiens, pendant longtemps, ont été assez distant par rapport à la littérature, source impure en quelque sorte. Ils l'ont retrouvé d'une autre manière, et pour le sujet qui nous importe, la littérature est tout à fait fondamentale. Les romans, tous ceux que nous connaissons bien sûr, que je ne vais comme ça que rappeler, Proust et Le Temps retrouvé, Le Diable au corps, publié en 1923 et qui a fait scandale au moment où il a été publié. Colette, La fin de Chérie, Martin Dugard surtout, L'été 14 et l'épilogue des Thibault, si pertinent pour notre sujet. Beaucoup d'autres textes pourraient être cités, par exemple Chérie, Chérie dans le même sens, Chérie chez Colette, qui ne retrouve absolument pas sa place entre sa femme et sa vieille maîtresse, et qui ne cesse de dire « qu'est-ce que je fais là ?» Et finalement, vous savez qu'il choisit de se suicider. Alors ce mal-être des hommes, on a même pu parler de véritable crise d'identité sexuelle, est-ce qu'il avait son correspondant chez les femmes ? La littérature en parle moins, parce qu'il y a moins d'écrits de femmes, en général à cette époque, et moins sur ce sujet. Mais bien d'autres sources nous permettent de compenser ce silence, et notamment tout ce qu'on appelle la littérature personnelle, c'est-à-dire les journaux intimes, les correspondances très tellement importantes, les autobiographies. Et ces sources-là sont quelque chose d'absolument essentiel. La guerre de 14-18 a été un immense atelier scripturaire. Ces gens éduqués, qui savent lire et écrire, écrivent. Les poilus ont des carnets, notent, ils ont la pression de vivre quelque chose, un événement. Et donc il faut consigner ce qu'ils vivent. D'où ces carnets où ils racontent un peu tous les jours ce qui se passe, pour un très grand nombre d'entre eux. Et puis, il y a les correspondances. Alors, les correspondances, ça a été véritablement les respirations de la guerre. N'oubliez pas, 1 million de lettres étaient échangées par jour. 1 million de lettres par jour. Je ne parle que de la France. Soit près de 5 milliards de lettres pour l'ensemble de la période. C'est évidemment quelque chose de suffocant, et ce sont des sources tout à fait importantes. Bien entendu, ces sources, nous les avons souvent perdues. On n'a pas gardé l'ensemble de ces lettres. Mais enfin, on en a gardé quand même beaucoup. Et un certain nombre, peu par rapport à tout ce qui a été écrit, vous allez le voir, un certain nombre ont été publiés. Par exemple, on a publié 16 correspondances croisées, hommes-femmes, entre 1915 et 1990. 16, pour cette période, c'est pas beaucoup. Mais depuis l'an 2000, et c'est un signe de l'intérêt et pour la guerre et pour cette littérature, on en a publié 24. Vous voyez, on en a publié beaucoup plus dans les 15 dernières années que pendant 50, 60 ans du 19e siècle. Alors, ces sources-là sont extrêmement intéressantes et importantes, et je voudrais citer une thèse dont je me suis largement inspirée pour l'exposé d'aujourd'hui. C'est la thèse magnifique que Clémentine Vidal-Naquet, sous la direction de Stéphane Audouin-Rousseau, vient de faire à partir d'un certain nombre de correspondances. Thèse qui accompagne une anthologie de la correspondance conjugale. Le titre magnifique s'appelle « Te reverrai-je ». Hein, « Te reverrai-je ». C'est un leitmotiv des lettres que s'adressent les hommes et les femmes qui s'écrivent. On vient de publier la correspondance de Louis Pergaud. Alors Louis Pergaud, la correspondance de Louis Pergaud avec sa femme Delphine l'a bien aimé, en quelque sorte. Louis Pergaud vous est très connu à cause de La guerre des boutons, qu'il a publié en 1912. Mais en fait, à l'époque, Louis Pergaud était surtout connu pour son prix Goncourt, attribué en 1910 à un roman complètement oublié aujourd'hui, enfin de moi en tout cas, qui s'appelle Goval et Margot. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais moi, j'ai jamais lu ce roman de Louis Pergaud. Et on vient de publier cette correspondance de Louis Pergaud à Delphine. Et alors, ce qu'on observe dans cette très belle correspondance, c'est une extraordinaire dissymétrie sexuelle. On a les lettres de Louis à Delphine, mais on n'a pas publié, peut-être même on n'a plus, je ne sais pas, les lettres de Delphine à Louis. Et cette dissymétrie sexuelle, on la retrouve dans à peu près toutes les correspondances. Alors c'est intéressant, ça pose un problème, évidemment. Ça se comprend très bien, d'un autre côté. Les femmes à la maison recevaient les lettres, les conservaient, bien sûr, elles les conservaient. Et par contre, les hommes aux tranchées, ils ne peuvent pas les conserver toujours, tout au moins. Ils sont amenés à changer de lieu de campement, il faut alléger le barda qui est terriblement lourd, ils détruisent souvent, et puis il y a les combats eux-mêmes, hein, les combats eux-mêmes qui ont détruit leur corps et qui ont détruit leurs biens. Si bien qu'il y a énormément de correspondances de femmes qui sont à jamais détruites et disparues. Mais ceci étant, cela pose la question de la dissymétrie sexuelle des sources pour parler de tout ce que nous évoquons en ce moment. Cette dissymétrie sexuelle, elle est classique en histoire. On peut se demander parfois si la guerre ne l'a pas aggravée. Ça se comprend encore une fois très très bien. La mémoire, on conserve la mémoire des morts, enfin c'est ceux-là qui comptent, de ceux qui sont partis, et on regarde beaucoup moins ceux qui sont restés. À la limite, leur histoire est considérée comme moins importante, et la dissymétrie sexuelle s'affiche évidemment, c'est inévitable bien entendu, sur les monuments aux morts de la guerre. Les hommes, les femmes, où sont-elles et que faisaient-elles? Voilà, c'est évidemment une très très grande question. Alors voilà pour les sources et pour les travaux. Pour voir les changements que la guerre a pu apporter dans les rapports entre les sexes, il faut jeter un coup d'œil, il faudrait même jeter plus qu'un coup d'œil, sur l'avant-guerre. Qu'étaient les rapports masculins-féminins? Je ne parle pas pour tout au cours du 19e siècle, ce serait évidemment beaucoup trop long, mais par exemple à la Belle Époque. Hein, la Belle Époque, comme on dit, Belle Époque, vous connaissez la locution, elle n'a pas été belle évidemment pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans le sujet qui nous intéresse? Stephen Zweig, dans son magnifique Le Monde d'hier, parle de cela. Il est très frappé du côté glaciation au fond, des rapports entre les sexes. Il a là-dessus des pages passionnantes, où il évoque sa propre éducation rigide, c'est pas étouffante, où véritablement les garçons étaient entre eux et les filles, les femmes tellement loin, les femmes tellement loin qu'on ne les connaît pas, on ne les voit pas, et ça rend très difficile le rapport entre un homme et une femme, entre un jeune garçon et une jeune fille. Et on pense à Kafka disant rien n'est jamais plus seul qu'une jeune fille. C'est pas rien n'est jamais plus seul qu'une jeune fille. Il avait la conscience de l'enfermement des femmes et des filles dans leur monde, dans leur éducation. Et lui-même, vous le savez, avait des grandes difficultés dans les rapports avec les jeunes filles et avec les femmes et ses fameuses fiancées. Mais ils nous parlent, tous les deux, de l'Europe centrale, de l'Empire austro-hongrois, et finalement de Vienne. On voit bien comment la psychanalyse a pu naître dans ce contexte de rapport entre les sexes. Dans le monde occidental, c'est différent. Il y a, à cette époque, une grande évolution dans les rapports entre les sexes, dans le rapport entre l'individu et la famille, et dans la condition des femmes elles-mêmes. Évolution de la famille. Le droit, par exemple, je prends que la France, hein, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Le droit au divorce existe depuis 1884, la loi Naquet. Depuis, les divorces n'ont cessé d'augmenter. Hein, l'idée qu'on peut rompre un mariage si on n'est pas heureux, si on ne s'aime plus, est quelque chose qui pénètre dans un monde qui véritablement réprouvait cette idée. Et il y a effectivement de plus en plus de divorces entre 1900 et 1914. D'autre part, il y a, et ça alarme beaucoup les moralistes de français, il y a une diminution de la natalité très forte, et les moralistes disent, à côté de l'Allemagne, qui a une démographie triomphante en quelque sorte, beaucoup d'enfants, eh bien la France est fragile. Voilà. Et on ose, à cette époque, critiquer des institutions comme le mariage, quand même, ciment de la société française, et on ose parler de contraception, chose qui, évidemment, était tout à fait taboue quelques années auparavant. Et les femmes ? Eh bien, les femmes, oui, elles commencent à s'émanciper. Elles commencent à s'émanciper de différentes manières. D'abord, ne serait-ce que dans les modes. On va reparler tout à l'heure des cheveux coupés, les cheveux courts des années 1920, mais des femmes se faisaient déjà couper les cheveux avant 1914. Colette en est l'exemple le plus célèbre. C'est elle qui, une des premières, s'est fait couper. Ça faisait beaucoup de peine à Sido, sa mère, s'est fait couper sa chevelure brune, très belle par ailleurs. Bon, donc les jupes raccourcissent, pas, et les femmes font un peu de sport, elles font de la bicyclette. Et c'est d'ailleurs pour la bicyclette qu'elle commence à porter des pantalons, des espèces de bloomers à l'américaine. Donc ces petits signes-là montrent que les femmes sont en train de sortir un peu du carcan. Mais aussi, les femmes travaillent davantage. Les femmes ont toujours travaillé, il faut faire attention à ça, toujours, toujours, toujours. Mais la question est l'accès au métier et au salaire. Ça, c'est ça. Quand on parle de travail des femmes, c'est généralement de cela qu'on veut parler. Eh bien, ça augmente, le pourcentage de femmes actives, salariées dans des métiers augmente, et on voit des femmes, alors bien, certes, les secteurs restent traditionnels, c'est-à-dire, ce sont des secteurs de domesticité, les femmes sont bonnes à tout faire, elles sont infirmières, elles sont dans les métiers de soins traditionnels, mais quand même, on les voit timidement, arrivée dans les usines métallurgiques, dans le textile, elle y était depuis bien longtemps. Et surtout, on les voit arriver dans ce qu'on appelle les professions de prestige, c'est-à-dire avocate, médecin, toute profession qui était jusque-là totalement fermée aux femmes. D'ailleurs, pour que Jeanne Chauvin, qui a été la première femme avocate française vers 1902 ou 3, pour qu'elle puisse être avocate, il a fallu voter une loi pour lui permettre d'accéder au métier d'avocat. Enfin, et on a dit à l'époque que l'affaire Chauvin était un équivalent de l'affaire Dreyfus. Exagéré. Mais bien entendu. Mais cela voulait dire que ça a soulevé dans l'opinion un tonnerre de discussion et très important. Et des médecins, on les voit arriver par les femmes immigrées. Les juives arrivant de Russie ou de Pologne, avaient appris la médecine, curieusement, dans les universités russes ou polonaises. Et elles sont chassées par les pogroms, elles arrivent en France, et là, on va quand même essayer de leur permettre de continuer, en quelque sorte, leur métier. Et ce faisant, elles ont ouvert la porte à beaucoup d'autres femmes qui commencent, avant 14, à pénétrer dans le milieu des médecins. Alors, autre signe d'émancipation des femmes, le féminisme. Hein, on a dit de cette époque 1900-1914 qu'elle était l'âge d'or du féminisme. Voyez, c'est le féminisme de la première vague, très important, associations, ligues, journaux, je pense au journal de Marguerite Durand, qui s'appelait La Fronde, et qui était un journal d'un très grand intérêt. Bon, il se passe beaucoup de choses. Et puis d'autre part, il se passe des choses également dans le domaine de la conception même des rapports entre les sexes. La question de ce que nous appelons maintenant le genre, hein, commence à être véritablement discutée par des gens importants. Je pense à Otto Weininger, par exemple, qui écrit « Sexe et caractère ». Dans ce livre fameux, il dit Il y a une hiérarchie des sexes. Les hommes, c'est plus. Les femmes, le féminin, c'est moins. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Mais certaines femmes pourront accéder au masculin. Autrement dit, il maintient la hiérarchie, mais il ouvre la porte à quelques femmes d'exception qui pourront peut-être pénétrer jusqu'aux étages supérieurs de la hiérarchie des sexes. Autrement dit, cette période 1900-1914 est une période d'une très grande richesse pour la question des rapports entre les sexes qui change véritablement. Dans la guerre, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Eh bien, dans un premier temps, l'ordre des sexes est rétabli, il est triomphant. Les hommes au front, debout, combattant dans leur rôle, après tout, l'homme soldat, c'est le summum de la virilité, surtout qu'au début de la guerre, il est debout, après, il faudra apprendre à ramper dans les tranchées, ça sera très difficile d'ailleurs pour le corps des soldats. Les femmes, à l'arrière, aidant les hommes, les accueillant, les suppléant, mais toujours en position, évidemment, seconde. Donc, l'ordre des sexes semble rétabli et, au fond, tout le monde adhère. Les hommes et les femmes de cette époque, c'est leur devoir et ils adhèrent, évidemment, à ce modèle. Mais la guerre dure. La guerre dure longtemps. Elle a des effets, par exemple, démographiques, sur lesquels je ne peux, évidemment, m'étendre beaucoup. La guerre a accentué la crise démographique qui était apparue dans les années 1900-1914. Il y a eu une chute des mariages, évidemment. Encore que tout de suite au moment de la guerre, il y a eu beaucoup, beaucoup de mariages un peu précipités. On était fiancés, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, on se marie. On supprime même les bancs, allez, on se marie. Mais à terme, ça a tout de même retardé. Pendant la suite de la guerre, on s'est marié beaucoup moins. C'était d'ailleurs très compliqué. Évidemment, chute des naissances, vous pouvez l'imaginer. Donc, quelque chose de très dur. Et puis, la séparation. La séparation des sexes. Plus de 3 millions d'hommes sont partis en 15 jours. En 15 jours, le paysage quotidien, le paysage du village, de la ville, tout est bouleversé. Et il faut vivre avec. Il faut faire avec. Et alors la cité, évidemment, va s'installer. Et nous allons voir comment les femmes vont essayer, en effet, d'assumer les rôles divers et variés qu'occupaient les hommes. Mais tout de même, comment maintenir un rapport entre ces sexes désormais séparés ? Rôle de la correspondance. Une fois de plus, on revient sur le rôle majeur de la correspondance dont Clémentine Vidal-Naquet nous montre bien que d'une certaine manière, la correspondance, elle le dit, a banalisé la tragédie. Elle a banalisé parce qu'elle a aidé les gens à la vivre dans ces lettres quotidiennes, pour beaucoup, que s'adressaient les soldats à leurs femmes et les femmes à leur mari, au front ou à l'arrière. De quoi est-il question ? Il est question des combats, mais attention, les soldats ne doivent pas dire trop de choses. Ils doivent notamment ne pas dire où ils sont, en principe, pour que les opérations n'apparaissent à personne. Ils doivent taire la tragédie pour ne pas démoraliser l'arrière. Alors, de quoi parle-t-il ? De leur quotidien, c'est pas ? Du couchage, des poux, de la boue, de la nourriture, de la joie que constituent les colis, très important, qui arrivent, des lettres. Quand une lettre tarde trop, c'est le drame, c'est la dépression. Même Louis Pergaud, qui est très sûr de Delphine, son amour, quand 2 jours, 3 jours se passent sans lettres, il lui écrit, il la morigène, il lui dit « Mais enfin, tu n'as que ça à faire et tu ne m'écris pas ». En réalité, c'est le courrier qui n'a pas bien marché la plupart du temps. Donc il y a une anxiété considérable autour de tout cela et en même temps, une possibilité de vivre les choses à travers la correspondance. Et puis, la correspondance joue un rôle amoureux. Car ces hommes qui écrivent aux femmes quand ils les aiment. Quelquefois, il y a aussi beaucoup d'indifférence, quelquefois. Ou quelquefois aussi, on n'ose pas parler. Mais il y en a beaucoup qui osent. Et qui osent probablement parler d'amour d'une manière qu'ils n'auraient jamais faite oralement. Et là, la guerre a joué un rôle très important dans l'intimité, dans l'expression de l'intimité et même dans l'intimité mise à jour. Je reprends l'exemple de Louis Pergaud, car on ne peut pas donner mille exemples. Au début, il dit à Delphine qu'elle lui manque beaucoup, qu'il aimerait tellement être auprès d'elle. Et puis, je fais des baisers sur tes yeux. Un peu plus tard, je fais des baisers sur ta bouche, ton cou, ton ventre. Il lui parle d'étreintes très fortes et répétées. Il lui demande, je cite, « un baiser passionné et chaud, comme tu sais me les donner, et dont j'ai une si vive nostalgie maintenant à toute heure. Quelles étreintes, je te promets, ma gamine bien chère, et avec quelle ardeur je te caresserai, je te cajolerai, et oui, peut-être aurons-nous enfin le bébé que nous espérons. » Autrement dit, à travers la correspondance, il y a donc tout cet échange amoureux. Et Louis Pergaud, qui est en même temps témoin, en même temps qu'il est acteur, dit qu'il parle des correspondances que ses camarades adressent à leurs femmes. Quelquefois, il les trouve trop érotiques. Il écrit, alors ça, il dit pas trop ça à Delphine, parce que quand même, pudeur gardée. Mais un de ses copains, il lui dit, écoute, c'est incroyable ce que les époux peuvent s'écrire, enfin c'est inimaginable, et je ne ferai pas la citation, elle est même très crue d'un certain point de vue. Et il dit que probablement quand les poilus seront en Allemagne, eh bien on ne sait pas trop ce qu'ils pourraient faire au Gretchen, n'est-ce pas ? Et là il y a une évocation assez terrible d'ailleurs de l'idée que le viol pourrait être une compensation et que le corps des femmes au fond peut être un enjeu de guerre. Mais ça, nous savons très bien, ça a été très, très étudié. Alors, voilà pour la guerre elle-même. Évidemment, il faudrait que je parle, mais je n'ai pas le temps, du travail. Les femmes sont entrées plus qu'avant au travail, notamment dans des lieux qui ne leur étaient pas familiers. Par exemple, les grandes usines métallurgiques. Ça, c'était vraiment un travail masculin, un travail d'homme. Et là, elles entrent dans des usines, pas encore taylorisées, le taylorisme, ce sera après, mais déjà très organisées, très rationalisées. Et à la limite, l'organisation des usines est venue aussi avec cette incorporation des femmes dans le processus industriel. Et puis, elles remplacent les hommes partout, à la charrue, en agriculture. Elles les remplacent aussi dans les écoles, les institutrices qui viennent à la place des instituteurs, etc., etc. Donc, une entrée massive des femmes dans le domaine du travail. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça va laisser ? Qu'est-ce que ça va laisser ? Je ne vais l'évoquer qu'en résumé. Le premier effet de la guerre, ça a été les désastres. Désastre de la guerre, 700 000 tués, 2 800 000 blessés, les gueules cassées, la destruction des corps et les corps des jeunes gens. Ça a été les veuves. Ça a été véritablement une société totalement ravagée par la guerre. Ça a été aussi une espèce de déséquilibre dans les rapports entre les sexes. Par exemple, les divorces n'ont jamais été aussi nombreux qu'au retour de la guerre. Ces hommes et ces femmes qui se retrouvent, quelquefois, ne se reconnaissent plus. Bon, alors, autre chose qu'il faudrait développer, mais que je ne peux qu'énoncer, c'est l'espèce de désir de bonheur et qu'il y a eu dans les années 1920, et c'est pourquoi on les a appelés les années 20-25, les années folles. Les années folles où ceux qui ont subsisté, en quelque sorte, alors eux, ils veulent vivre. Ils veulent vivre, les hommes comme les femmes, ils veulent vivre à tout point de vue, leur corps, leur sexualité, leur indépendance. Les femmes n'ont pas du tout l'intention du moins dans les classes moyennes, à la campagne c'est très différent, de se laisser faire. Elles veulent véritablement continuer à vivre très librement. Donc il y a en effet beaucoup de changements. L'homosexualité s'est beaucoup développée à cette époque-là, et on ose en parler, hein, à Berlin, à Londres, à Paris. C'est une homosexualité qui avait été parfois vécue dans les tranchées, parfois comme sexualité de substitution, et quelquefois, pour certains, comme une découverte d'une sexualité, au fond, dont on découvre qu'elle est la sienne. Bon, donc tout ça, ça fait des changements extrêmement importants, et les années d'après-guerre sont des années où le rapport entre les sexes cherche, sans se trouver toujours, mais avec des tentatives de tous les côtés. Alors pour conclure, et vraiment la conclure, on pourrait dire que plus qu'ils n'ont été bouleversés, les rapports entre les sexes ont été infléchis, hein, dans des directions qui se dessinaient avant la guerre, je pense. Il y avait des tas de changements avant-guerre. Alors, la guerre a d'abord freiné, puis ensuite, elle a précipité ces changements-là. Mais dans un mouvement beaucoup plus général. Et d'ailleurs, il y a un très étrange contraste, et ça, pour l'historien, l'historienne, c'est quelque chose de très troublant, entre l'individuel et le collectif. La guerre a bouleversé des vies qui ne s'en sont jamais remise, jamais. C'est pas ? Et on vit bien les drames des gens. Mais la société a évidemment beaucoup plus de plasticité, et l'analyse même des courbes démographiques avec ces espèces de déséquilibre, puis ensuite d'équilibre retrouvé, est tout à fait éloquente. Et oui, la société est inhumaine et elle cherche à faire guérir de la guerre. Mais guérit-on jamais de la guerre ? Et a-t-on jamais guéri de la Grande Guerre ? Je ne le pense pas. Voilà. Les cours du Collège de France, vous venez d'écouter le 17 octobre 2014 le colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, la contribution de Michel Perrault, la guerre a bouleversé l'amour. Et en première partie, vous avez écouté celle d'Yves Cohen, le chef, étude transnationale d'un objet partagé. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de sa diffusion, ainsi que l'ensemble des contributions. Les actes du colloque ont été publiés sous la direction d'Antoine Compagnon chez Odile Jacob en 2015. Yves Cohen a publié « Le siècle des chefs, une histoire transnationale du commandement et de l'autorité 1890-1940 en 2013 aux éditions Amsterdam » et il a co-dirigé avec Francis Château-Renaud « Histoire pragmatique » en 2016 aux éditions EHESS. Michel Perrault a notamment dirigé avec Georges Duby l'histoire des femmes en Occident de l'Antiquité à nos jours en 91-92. Elle a publié Mon histoire des femmes en 2006 au Seuil avec France Culture et plus récemment chez le même éditeur, Histoire de chambre en 2014. Un grand merci à Antoine Compagnon et aux équipes du Collège de France qui m'ont encore ouvert leurs portes largement et toutes leurs ressources pour la mise en onde de ce grand colloque, et un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous explorerons les mutations de ce 21e siècle en compagnie de la mathématicienne Claire Mathieu pour sa leçon inaugurale sur les algorithmes qui jouent un rôle très important aujourd'hui. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.